Qu'est-ce que c'est que ce bordel? A real dog. Thank you. Rhabille-toi. S'il te plaît. Danny Fortin, le grand directeur de CKRL, viendra peut-être se présenter sans nous le dire. Faut être à l'affût. Iggy, je te dis, rhabille-toi. Attends dans ta niche. Puis attends la prochaine chanson. Ouais, mais c'est prévu pour le 19 février. 19 février? Mettez-lui trois bols d'eau. Trois bols d'eau. Avec Iggy, qu'est-ce que tu veux? Iggy, je m'appelle Iggy. J'aimerais du whisky. Hey, wow, on n'a pas les moyens, là. Moi, j'ai fait une émission en 98 avec Gainsbourg. Non, 92, Gainsbourg, 89, 86, 87. Il est mort en quelle année, ouais? En 88, oui. Je l'ai rencontré. Ça m'a coûté cher. Mais j'ai eu, quand même, faut dire. Ah ouais, vas-y! Oui. J'ai eu un scoop! Il m'a dit. Hey, merci Serge, merci! Là, je suis parti avec ça. Sous le bras. Tous les Français avaient un pain-baguette. Une baguette, pas un pain-baguette, c'est redondant, c'est de la redite. Alors, les Français avaient leur baguette. Moi, mon magnéto, sous le bras. J'ai le scoop de l'heure. CKRL va m'aduler! Là, j'arrive là-bas, je fais mon émission. Là-bas, ici, à Québec. Je fais mon émission. Je fais jouer mon Gainsbourg. Les téléphones. Vous êtes merveilleux, M. Grenier. Gagné. Vous nous avez révélé une autre entité de cet être extraordinaire. Mais merci. On m'a dit aussi que je cherchais à tirer les verres du nez. J'avais mis un mot, un diantre de verre, qui n'était pas tout à fait de la même couleur. Lui, il dit, hey, Serge, si t'es gentil, là, tu vas laper 3-4 coups, là, puis c'est du caribou. Oh! Il dit, Serge, c'est du caribou. C'est un élixir québécois. Rwanda. Oui, c'est ça. Rwanda. Tu te souviens de ton voyage lorsque tu as présenté Stand the Flasher, où tu flashais partout, comme Iggy. Tu montais ton peuplement d'armes. J'avais deux goupilles. On sait ça, j'avais deux goupilles. Deux goupilles, c'était merveilleux. Un peu poilu, mais merveilleux. C'est pas vrai, quoi. Bon, ça sent sûr, ouais. Titi, l'oiseau sylvestre, tourna sa veste de plume lorsqu'elle apprit qu'elle était en poil de chat. 2014, se veut ma dernière année d'existence. Le grand Jojo. Grand Jojo, t'es-tu encore là? Il est tellement gang avant qu'il se plie, ça risque d'être la fin de l'émission. OK. Alors, le grand Jojo me le prédit. Je me ferai tuer par un crotal ou un crotté. On ne le sait pas encore. Pour ne pas dire, on ne le sait pas en Corse. Ça sera pas en Corse? Oui, bien, si je me présente là, il y a des grosses chances avec l'accent que j'ai, moi, là. Je te l'ai dit, si tu prends toi Ajaccio, si tu vas à Ajaccio, tu verras que tu auras mal au dos. Si tu vas à Ajaccio, ne crains pas d'avoir mal au dos, car tu t'en seras jour et nuit avec des chéris. 1, 2, 3, 6. Non, c'est. Excusez-moi. 1, 2, 3. J'ai tendance à dire 3. Ouais. J'ai tendance aussi à mâcher la langue depuis le début de l'année. On m'a dit que c'était un signe. Un signe. C'est un bel oiseau, ça. Ça va sur l'eau, puis c'est comme une gondole. Quoique, ça peut couler, hein, un signe. Oh, oui, mais là, on va pas dire comment on le fait pour le faire couler. C'est beau, ce petit oiseau-là, hein? Qu'est-ce que ça t'a fait? Il possède des plumes, oui. C'est des plumes blanches, oui. Je suis allergique au blanc, non aux plumes. Hein? Non, mais je ris parce que je veux... mon drame est caché sous un sourire. Je sais pas si vous avez vu le film Shoah. Film de 11 heures et quelques, c'est sur l'extermination nazie. Au début du récit, pendant les 30 premières minutes, on voit... rescapé, qui sourit tout le temps. Et le réalisateur lui dit, « Pourquoi souriez-vous constamment? Vous cachez quelque chose? » Soudainement, l'homme s'est effondré en larmes. Alors, lorsque vous voyez des gens rire, dites-vous, « Que cache-t-il? Que cache-t-il? Que cache-t-il? » Hey, t'es profond! Hein? Moi, là, je me suis dit, c'est mon année de profondeur. Je finis d'aller dans la piscine à 2 pieds, je vais aller dans la piscine à 15 pieds. Si je peux aller à 18 pieds, quoi, même que c'est. Je vais creuser. Ben oui, mais là, c'est parce que t'es dans une barbotine, une barbotte, une barbie. T'as 2 Barbies? Oui, je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté avant-hier, c'est en spécial. Hey, 2 belles Barbies. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'as pas d'enfant? Mais j'ai pas d'enfant. Je suis un enfant. Un méchant enfant. Oui, mais je vais pas acheter de linge. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais les regarder comme ça. Et puis? Ben, moi, j'ai passé, si vous voulez pas, à Québec, sur la rue Saint-Paul, dans les vitrines. On présente des Barbie dans des pains hot dog. Ça, c'est de l'art, ça, là. Moi, ma Barbie, là, sera pas là-dedans. Mes 2 Barbie, là, je leur ferai des beaux câlins. Hey, voyons! Oh, oui, je leur peignerai les cheveux. Oh! De bas en haut. Pourquoi? Ben, j'aimerais ça les avoir punk, moi, là. Puis, lorsque je les ai achetés, ils m'ont dit, on n'a plus de punk. On n'a plus de punk, puis on n'a plus de temps, puis prenez-les comme ça. Sinon, il y a ben du monde qui aimerait, ben, si vous voulez, c'est du français, ça? Oui, c'est du français. C'est du français qui s'emballe parce qu'il reste 2 minutes avant la fermeture. La caisse va fermer dans 45 secondes. Et si tu ne sors pas ton argent, ben, tu vas t'en passer. Oh non, pas mes 2 Barbies. Bon, peut-être tu les prends. Je les prends. Combien ça coûte, ces belles choses-là, là? C'est pas des choses, c'est des poupées. Ces belles poupées-là. Là, les 2 caissières m'ont dit, ah, je suis pas à vendre, je suis pas les 2 caissières. Non, pour vous, les Barbies. Barbies, les Barbies Turic. Comment? Les Barbies Turic. Oh! Et est-ce que tu les as nommés? Oh, je ne suis pas encore rendu à ce niveau-là. Là j'ai déplié, j'ai payé. Sa petite caissière, gardez ça pour vos études. Là. Bon, parce que vous allez peaufiner sans doute votre instruction qui est quand même assez primaire. Ben voyons, non, moi j'ai une formation universitaire. Oui, mais à quelle université? Là? Ben l'université, ben c'est ça. Tu te paieras des belles études à Montréal, là, puis en littérature, tiens. Et tu viendras me lire du Pouchkin. Oh! Dans une traduction française émise par Louise Lamir, qui, elle, s'est consacrée pendant toute sa vie à cet auteur, 2 pieds et demi. C'est une belle auteure. Moi, je me suis dit, ça va à 3 pieds. À risque de... Puis malheureusement, elle est décédée dans 1 pied d'eau. Hein? Oh oui, mais ça cache quelque chose. Je ris, là, mais c'est parce qu'il y a du drame, là. Le drame. Le drame du rire. Rire au drame. Non, c'est rire aux larmes. Oh, mon dos. Il ne veut pas parler. Rita ferme la lumière. Amène la lampe de poche. Elle servira de poursuite. Là, il se mettra à creuser comme un Yorkshire terrier. Oh! Oh, ça, c'est beau! Oh, oui. Merci. Les premiers jets peuvent aussi enfanter. Oh, ça, c'est beau! Comme maintenant, là. Si les gens s'imaginent que j'ai jamais repris l'émission 25 fois avant d'arriver jusqu'à ici, maintenant, devant vous, à cette heure si tardive, minuit 21, c'est une très belle heure pour poursuivre cette rencontre radiophonique. Bravo! T'as pris ton texte. Il n'y a pas de texte. Dites pas ça. Il y a des individus. C'est des individus qui croient que tout ça est préparé d'avance. À part les petits textes, là, le premier jet peuvent aussi enfanter. Oui, c'est vrai, je viens de le lire, là. Lorsque je dis autre chose d'imbécile, ça, c'est pas improvisé. On le savait. Bon, OK, merci. Coulant. Non. On va laisser ça aller, hein, madame. Ouvrez la cage. Bon. Ça devait... Non, je vous le dis. La liberté les amènera vers l'infini. Et quand c'est infini... Mais ça finit plus! Hey, moi là, je vais te raconter une petite anecdote très savoureuse. Pas besoin de le mettre au four pendant 2h30 à 250 pour qu'elle puisse tranquillement prendre forme et lentement le jus épaissir pour ainsi venir dans ta bouche et exploser de saveur. Excusez-moi, j'ai eu comme un élan, un vibratoire intellectuel qui m'a fait apporter quelques attractions culinaires. Oh mon Dieu, sans filet. Mais avec un zeste d'huile et de l'huile vierge, double vierge, double vierge, double bill. Et monsieur, je suis pas très mobile au niveau de la langue actuellement. C'est parce que j'en ai léché des thèmes, moi, là, depuis 3 semaines. Oh, mon Dieu, excusez-moi, c'est mon émission. Excusez-moi, parce que j'ai eu des critiques pendant la période des fêtes, là. 2013, 2012, bonjour, salut 2013, hein, bon. Et ça n'a pas de bon sens. J'ai eu des louanges, j'ai eu des gens qui m'ont dit « C'est à peu près ce que j'ai vu de plus infâme de toute mon existence. » Je dis « Merci beaucoup. » Vous ressemblez à Grégory Marle. Oh, mon Dieu, le grand Grégory Marle qui fait de la musique, de la chanson, du piano, qui est guitaristique. Hey, je l'ai jamais entendu jouer de la guitare, lui. Heureusement que lui non plus, il ne m'a jamais entendu parce que j'ai étudié la guitare, moi, là, pendant... Non, je sais que ma vie ne vous intéresse pas, là, mais moi, c'est au plus haut point. Ah, depuis ma naissance, là, je m'intéresse à moi-même. Je me dis, je vais creuser ainsi. Oui, je creuse tout le temps. Ouais. À 2 ans, mon tombeau était déjà fait. Fait que là, il faut que j'attende de mesurer 6 pieds 12. Parce que là, si je me retrouve là-dedans actuellement, là, il va falloir qu'il bourre ou que je mange. Quoique je suis bien parti, là, hein? Moi, je mange. Moi, madame... OK, vous m'avez écouté depuis le début, hein? Et puis, comment vous trouvez ça? Okay. Vous voulez pas vous exprimer, ou... OK, votre mari écoute. Vous lui avez pas dit qu'on s'est rencontrés avant-hier, là? Oui. Puis que vous m'avez félicité partout. Oui. Madame, votre mari est toujours lutteur professionnel? Oui. Dans la ligne des poids très lourds? Oui. Êtes-vous malade, madame? Êtes-vous malade, madame? Vous êtes l'antidépresseur, vous êtes dans l'air. Oh mon Dieu, Seigneur. Est-ce qu'il est chez vous actuellement? Il est absent? Il est absent? Votre véhicule, le véhicule, votre mari n'est pas là? Est-ce qu'il vous a dit qu'il venait voir quelqu'un de pas trop intéressant pour... Puis ça risque de mettre une finalité. Mike. Puis même s'il va en prison, ça sera pas très... Mike? T'as pas décidé de m'appeler avant, voilà? Mike? Faut pas me sauver, moi, là, parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La caravane est en panne. Plus une goutte d'essence parce qu'on est monté de Rimouski pour aller à Québec, OK? Ouais, attendez, à Rimouski! Il y a trois jeunes pouilleux, madame. Trois jeunes pouilleux. Ben, une pouilleuse puis deux pouilleux qui m'ont dit « Hey, man, on va faire un spectacle ensemble. » Oui, un spectacle ensemble. Moi, je chante pas. Moi, là je suis juste... je suis un amuseur impudique. Ben, impudique. Comment tu vas faire pour m'en avoir... Et monsieur, ben, comment ça va, toi? Et monsieur, ouais. Mais là, cette voiture-là, là, elle a très peu d'essence, juste assez pour aller à Québec. Mais là, je peux pas faire autrement, là. Une belle invitation de même, des gens sympathiques. Ils frissonnaient à moins 53. Voyons donc, Rimouski, là, quand il fait moins 53, mais je ne vois Québec fait moins 2. Mais là, il dit, man, t'es pas habitué au froid, man. Mais je dis, ouais, mais vous, à part un lexique quand même assez primaire, hein, avez-vous des études secondaires? Alors là, je m'en vais à une soirée très, très, très privée. Hein, qui avait lieu dans un endroit très, très, très privé également, pour ne pas dire la salle de bain. Mais une grande salle de bain, là, avec deux bains, puis trois cuvettes, puis deux lunettes, puis deux pouilleuses et un dirigeant qui disait « Toi, tu vas faire ça! Toi, tu vas faire ça! » Ben, je dis, voyons donc, il n'y a pas de chanson, de musicien, de... Il y a un amuseur répudique. C'est moi, Renald Gagné. Oui, bravo. Vous êtes des... Oui, je suis là, moi, là. J'espère d'être là. Là, c'est vos gigolos. Ticologues, là. Ils m'ont amené ici, puis ils m'ont dit, hey, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, j'ai roulé pendant 2h15 pour arriver ici, puis j'ai pas beaucoup d'essence, là. Oh, tu tombes, là, j'ai eu peur. Fait que j'ai rembarqué dans mon camion. Je suis redescendu à Québec. Puis là, ça toussait à la fin. Ma voiture, je dirais pas assez d'essence, voyons donc, toi. Tu parles d'une idée. Fait que là, madame, là, je suis arrivé ici à CQRS, j'ai tout descendu mon équipement, j'ai monté ma console, j'ai monté mes micros, j'ai monté ma caméra, j'ai monté mes lumières. Oui, aussi, je l'ai monté, l'écran 3 pouces, là. Bidirectionnel, surround digital Dolby, 3 dimensions, en mode, je vois des couleurs. Ouais. Puis là, vous me dites, madame, que ça s'en vient, là. Ouais. Monsieur le Président. Excusez-moi. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Montre le son aussi. Monsieur le Président. Président. Monsieur le Président. Monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de surréalisme, Rénald Le Néant Gagné. Ça paraît pas, mais j'ai sauté deux pages. Okay. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Vous la connaissez, madame Virginia Woolf, oui? Ah, il faut que je vous raconte parce que j'ai fait une petite erreur, là. J'ai pris le câble de la caméra pour faire parler mon magnéto. Et ça me rappelle, il y a quelques années, je restais avec une coloc. Une colocatrice, comment? C'est ça. La catère. Locataire. Une colocataire. Et, c'est ça, oui. Exactement. Et à un moment donné, hey, j'arrive du boulot, ma petite fille, mon petit gars. Il faisait chaud, faisait beau. Et étalé sur le divan, un peu comme la tartine. Puis avec une calculatrice à la main. Là, je la voyais pressée sur des boutons en direction de la télé. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de changer les potes, puis ça fonctionne pas. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que c'est pas la télécommande, ça, là. C'est une calculatrice Elle a regardé la calculatrice. Elle s'est mise à rire. Elle a tiré ça sur le mur. Ça a fait un trou. Ça lui a coûté 350$ pour réparer le trou. Pour acheter une autre calculatrice, parce que c'était ma calculatrice. L'absurde aventure de Laurence Renaldien s'ouvre à l'instant. Nous marchons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Le Néant gagné. Aujourd'hui, on va vérifier une petite affaire avant, madame. Vous aimez ça, une petite affaire? OK, parfait. Aujourd'hui, le vendredi 10 janvier 2014, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Juste encore un autre truc. Ouais, c'est bizarre, hein? OK. Oublions les... Non, c'est parce que j'avais baissé le son tout à l'heure, croyant que c'était trop fort. Puis c'est une question de technique, madame. Ne vous préoccupez pas. Ah, n'oubliez pas d'enlever vos bigoudis avant de vous coucher parce que ça fait mal au, à votre mari. Il a pété trois partiels là-dessus, là, à un moment donné. Vous vous souvenez? Il pense... Et voilà, il vous a bouffé les cheveux. Et voilà, madame. Ça coûte cher, les partiels. C'est 375$ juste pour trois dents. Si vous rajoutez deux dents supplémentaires, c'est 150$. Il n'y a pas de rabais là-dessus actuellement, là. Si vous voulez avoir un sommaire de tout ça, écrivez-nous à rénalquebec@commercial.com. On va vous envoyer une facture. Puis, si vous voulez une modification de votre prothèse, vous nous le dites et nous vous l'enverrons sous peu. Par l'unité de disquette ou de CD ou de DVD ou de Blu-ray. Hey, j'ai même pas de Blu-ray après mon ordinateur, moi. Même chez moi, j'ai pas de Blu-ray. J'ai 6 DVD multizones. Ça veut dire que je peux lire n'importe quoi, même une gaufre. OK? J'ai 2 VHS pas branchés. Comme moi, je suis pas branché. Moi, j'en compte 3 pas branchés avec moi. Et j'écoute des chansons aussi débranchées que moi-même. C'est-à-dire Louise, avec tes cheveux si blancs. Merci beaucoup. Louisa, tu en sorcelles tous les garçons. Ton cas. Là, c'est un docker, hein? 2 docker, 3 docker. Vous avez pas de... Joker de pique. Ça existe pas, madame, les jokers de pique. C'est des jokers, mais ils ont pas de cœur, pas de pique, bref, pas de carreau. Vous connaissez rien aux cartes, vous, hein? Discartez pas, madame. Discartez pas. Écartez pas. Écartez-vous, oui. Merci. Laissons-lui, c'est des... Laissons-lui, les CD. Hey, GPS. GPS, s'il vous plaît. Au niveau de la langue, merci. Direction sud. On dirait le sud. C'était pourtant bien. Et aujourd'hui, soudain, nous voilà ensemble à des millions d'années. D'années. Je suis donné pour faire des ritournelles sans succès. Prenant des grands chanteurs, modifiant les textes, n'ayant point de mémoire, n'ayant plus de mémoire, revoyant ici mon existence floue, comme un flux propice à la divagation, comme disait Paul Ier, verset 17. Qu'est-ce que tu veux bien que ça me fasse? Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Pourquoi mes yeux voient double? Je ne sais pas. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, mes lunettes sont sans doute très sales. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, ça ne me surprendrait pas du tout, j'y lave une fois par année. Quoique, c'est le début. Ça devrait être un... Hein? C'est le début d'un temps nouveau, c'est pas vrai, c'est toujours la même chose. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sappho. Sappho, de son vrai nom Daniel Ibgui, est une artiste franco-marocaine née le 10 janvier 1950 à Marrakech. Chanteuse de plusieurs langues, français, arabe, anglais, espagnol, hébreu, elle a également sorti un livre de caricatures dessiné sur les tables de la brasserie du quartier de Montparnasse, la Coupole, donné de nombreuses lectures de poésie et publié plusieurs romans. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Es-tu malade, printanière? C'est l'hiver jusqu'au bout des dents, jusqu'au bout de la mitaine, jusqu'au bout de la tuque, jusqu'au bout du pompon, excusez-moi. Et voilà, alors place à la musique et place à la fermeture de ma bouche. Couroille la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobettine. Bobettine. Bobettine. Bobettine. C'est la coqueluche des grands drive-in. À fa-fureur avec ses bottines. Qui ça? Bobettine. Dans une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Bobettine. Bobettine. Bobettine. Bobettine. Eh ben pognée sa nicotine, pis eh ben chum avec ma voisine. Qui ça? Bobettine. Le rock chrome et full pin, comme une vraie super Bob et Pin. Qui ça? Tu veux pas entrer à la... Tu vois, il y aura moins... Ah, il y a du bruit. Ah non, c'est pour le bruit. C'est pour ça que je reste ici. Ah bon, c'est encore c'est plus merveilleux. Bruit à l'intérieur. C'est merveilleux. Bon, attends, je vais me mettre là. Non, ici. Non, là, tu peux. Oui, excellent. Bon, alors, voilà. Comment ça va, toi? Ça va bien. Écoute, je t'ai apporté un disque. La québécoise la plus française. Tu sais tout. Je sais tout. Je te connais depuis longtemps. C'est vrai. Ben oui. Mais moi aussi, j'avais fait semblant d'être québécoise. Merci. Mais sais-tu que... CKRL te connaît depuis 40 ans. Qui? CKRL, ma radio. Ah bon? C'est ben pas oui. vrai. Ben oui, parce non, que... Pas depuis 40 ans, c'est pas possible. Bon, ben... Mais je vais te raconter. Depuis les années 80, et je veux dire pourquoi. C'est parce que t'es passé à Québec. Mais oui, au festival d'été. Et t'es venu à notre station, oui. Et tu nous as dit, vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec. Oui, absolument. Et donc, on a encore l'enregistrement. Ça... Ah, c'est pas vrai. Ben oui, comme Alain Bachon est passé, comme Charlie Couture est passé. Et... en fait, ça faut, je suis très, très, très heureux de t'avoir. Ben, moi aussi, moi, je suis très contente de te voir. J'ai travaillé, c'est très amusant. J'ai travaillé depuis 3 ans pour t'amener jusqu'ici. C'est pas vrai. Parce que l'année dernière, tu étais en tournée, tu travaillais sur un projet. Mais oui. C'est vrai. Et à la rentrée, tu travailles aussi avec Denis. Oui, avec Lavant. Denis Lavant, oui. Oui, ça s'appelle. Donc, t'es dans les projets les plus... Tu enregistres, là? Oui. Oh, t'es merveilleux! Ben oui, il faut prendre les gens quand ils arrivent. Il est excellent. Mais c'est ça, l'intérêt. L'auditeur veut tout savoir, veut tout prendre. Ben, moi, alors... Je dis à l'auditeur qu'il y a un bruit infernal dans ce Paris infernal. Non, mais je vais te montrer les micros après, donc ça va te rassurer. D'accord, ok. Non, mais je te crois. Et on était donc... là, il y avait une circulation folle, quoi. C'est Paris. Oui, non, enfin, ça dépend des jours, quand même. Mais quand même, ici, ben, ça dépend des endroits, parce que si les abeilles, ça, c'est tout à fait... c'est constamment comme ça. Mais oui, c'est vrai. Donc, c'est très rarement tranquille. Bon. À l'origine, ça faut que tu es marocaine. Moi, je suis née au Maroc. Je suis née à Marrakech. Mmh. Je suis arrivée à 16 ans, par là... en France, mais ensuite je suis allée en Suisse dans un pensionnat, parce que c'était un moyen de quitter mes parents, et ensuite je suis allée à Paris faire du théâtre comme une fille perdue, et faire mes études. C'était un mélange d'activités, et puis ensuite je suis allée à New York une année. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé. On peut voir sur mon site mon existence. Ah oui, mais tu es une femme du monde, tu es une femme de la planète. Ouais. Tu n'as aucun problème avec le fait de te retrouver à New York, à Québec, à Paris. Oui, non, c'est sûr. Non, puis j'ai eu des... Ensuite, je suis tournée un peu... J'ai fait des tournées un peu dans le monde entier. Ah oui, mais ben oui. Il y a guère que la Chine. Je ne suis pas encore allée, mais je ne désespère pas. Quoique, tu peux arriver, hein. Oui, je ne désespère pas. Mais j'aimerais bien revenir au Québec. Ben oui. Mais j'ai pas été invitée. Ça viendra, parce que là, l'actualité va en témoigner dans quelques... Ben, à la rentrée en septembre. Oui. Mais ton parcours a commencé avec Janis Joplin. Voilà. Le premier disque que j'ai fait, c'était en hommage à Janis Joplin. Mais ça a été un méga tube. Ouais, ça t'a peut-être écrasé pour ce qui allait... Oui, parce que le problème, c'était que ça a trop bien marché. Et j'ai fait du rock à l'époque. Parce que personne n'en faisait en France à ce moment-là, que c'était le début de téléphone, c'était les débuts, et surtout pas une femme, et donc j'étais quelqu'un d'extrêmement révolté. Encore aujourd'hui? Oui, enfin révolté plus de la même manière, je ne suis plus aussi enragée. Pourquoi? Je le suis, mais différemment, c'est-à-dire que je continue, je crois tout à fait en tout ce à quoi je croyais, savoir, je suis féministe, je me bats contre... toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, si tu veux. Mais c'est quand même audacieux à l'époque d'avoir été féministe, parce que c'est un courant et tu l'as revendiqué, ce courant-là. Oui. Tu étais dedans, et encore aujourd'hui. Oui, et en disant que, à l'époque, je disais, parce qu'il y avait eu les années 70 où tout torchon brûle, etc. Mais je disais, il ne faut pas demander la parole, il faut la prendre. Et je pensais qu'en prenant la parole, ça suffisait. C'était déjà un acte politique et on n'avait pas besoin non plus d'en rajouter ou de le dire, quoi. Donc c'était en soi du féminisme, de faire du rock et bon, je m'étais appelée Sappho, c'était une blague au départ. Mais finalement, je l'ai revendiqué parce que... Bien que je sois, j'ai plus de goût pour les hommes que pour les femmes, malgré tout, j'ai revendiqué parce que c'était une minorité de plus et que moi, ça ne me dérangeait pas d'être... Parce que tu étais une femme, donc voilà. Tu voulais prendre ta place, voilà. Et tu croyais que tout le monde était égaux. Exactement. Encore aujourd'hui, j'espère bien. Et je pense à ces femmes au printemps arabe, à tout ce qui se passe encore aujourd'hui, comme on est loin du compte et comme il y a du travail. Et donc, je pense que être auteur, compositeur, arrangeur, etc., c'est aussi un acte politique, parce que c'est une façon de dire oui, une femme peut être chef d'orchestre, peut faire toutes ces choses. Et donc, voilà, j'ai essayé de les faire le plus simplement du monde, et en essayant d'être exigeante, ce qui n'était pas toujours facile, parce que il y a, en sortant des formats qu'on nous a demandé. Mais toi, tu as toujours été underground, sans avoir aucune crainte de rentrer dans le créneau commercial. Tu n'as jamais voulu embarquer là-dedans. Oui, mais du coup, c'était cher payé, mais j'ai fait. Oui, il y a un prêt à payer, effectivement. Ouais. Au niveau monétaire, ça peut en témoigner. De jamais être vu par la télévision. Voilà. C'était quand même très difficile. Mais les radios libres t'ont constamment appuyé. Oui, c'est vrai, complètement. CKRL, je crois, à Québec, a été la première radio à diffuser en dehors de la chanson incroyable Janice. Ben ouais. Donc, les albums où tu avais des influences tout à fait... Orientales. Orientales, voilà. Oui, ça, c'était mon... très vite après ce premier disque rock, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui soit juste pour moi. Je me disais, je ne peux pas être une fausse chanteuse arabe. Je ne peux pas faire une fausse chanteuse de rock, parce que je trouvais que les Américains faisaient très bien ça, et mieux que nous. Je trouve qu'actuellement, tu as le look Diane Dufresne. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Mais écoute, moi, je prémédite pas. Diane Dufresne, vous êtes à peu près dans la même Diane, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'elle était elle fait encore de la musique que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté théâtral affirmé. Voilà, moi aussi je viens du théâtre, donc c'est quelque chose d'important et pour la danse moi, aussi de la musique, de la toutes les expressions m'intéressent et elles font partie même le théâtre aussi, parce qu'à l'origine tu es une comédienne. Je viens du théâtre. J'étais comédienne d'abord et j'ai décidé de faire de la musique très vite parce que je m'ennuyais au théâtre. Parce que théâtre, c'était à l'époque où t'étais une jeune première idiote ou alors t'étais une immonde salope ou une agrippine. On voulait sortir de ces schémas. Donc voilà. Mais tu fais des écoles en théâtre aussi? Oui, j'étais à la Rue Blanche, tu vois, au théâtre de la Rue Blanche pendant un an. J'ai un an au conservatoire, un élève en fraude d'Antoine Vitesse, qui m'avait dit moi je vous ai aimé, vous avez eu le premier tour et pas le second, mais moi je vous aimais, venez dans mon cours. C'était génial. Il avait repéré un truc, enfin il s'est dit tiens, elle a une rareté, quoi. Ouais. Donc, et puis finalement. Donc très vite au théâtre, je me suis ennuyée et j'ai toujours écrit, c'est l'écriture la première chose. Et je gratouillais de la guitare parce que mon frère m'avait dit qu'une fille ça pouvait pas jouer de la guitare. Je me suis empressée. À l'encontre de tout ce qu'on disait. De prouver le contraire. Je vais le faire. Voilà. Et puis voilà, je me suis mis à composer des choses. Je sais plus où j'en étais. Tu parlais du féminisme, tu parlais du fait de prendre ta place et d'être dans un autre créneau. Donc à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme musique? Et c'est là où j'ai décidé d'introduire des sons orientaux dans le rock. Parce que je me disais... C'était unique, là. C'était jamais à l'époque, zéro. Personne... Là, on est en 80 quelques. Début 81, 2. Exactement. Voilà. Et là, il n'y avait personne qui faisait ça. Et moi, j'avais vu un concert d'une certaine Zaina Tounsia qui chantait avec les musicien de Oum Kalsoum, la grande diva égyptienne, j'avais été la voir et on m'avait traîné tout au moins. Et là, je me suis dit, mais cette musique est magnifique. Ça, je me suis mis à pleurer, ça me rappelait cette musique d'enfance. Et je me disais, mais il faut absolument que j'intègre ça parce que, comme je te disais, je ne veux pas être une fausse chanteuse égyptienne, une fausse chanteuse de rock. Le seul moyen, c'est de faire une synthèse de toutes ces influences. Et je faisais de la world music sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Après, ça s'est appelé la world. Comme ça. Voilà. Avant que ça s'appelle, quoi. Et après, c'est devenu. Mais dans quel créneau on te plaçait dans une discothèque lorsqu'on voulait acheter du Sappho? C'était quoi, cette musique française? Alors, il m'avait mis dans variété française. C'était horrible parce que à la Fnac, quand tu es classé quelque part, c'est pour toujours. Moi, je faisais de la world, mais ils voulaient pas me déplacer, ce qui était chiant parce que du coup. Mais aujourd'hui, il y a un créneau. Oui, voilà. Il n'y a plus de disques, donc. On s'en fout. À la limite, on s'en moque maintenant. Et ce qui compte, c'est le live et c'est pas plus mal, quoi. Je trouve ça intéressant. Et toi, c'est ça, t'es une femme de scène. Si on t'a jamais vu, on manque quelque chose. Ah ouais, voilà. Moi, pour moi, c'est important d'être sur scène. Mais vraiment, tu joues, tu danses, tu... C'est-à-dire, pour moi, la scène, c'est le lieu, d'ailleurs, où je m'exprime le mieux pour la musique. Parce que c'est cette chose vivante, c'est ce cadeau qu'on fait à l'autre. On fera jamais deux fois la même chose en scène. Et l'autre, c'est la foule, c'est une personne très particulière. Elle a une personnalité, elle est timide, elle est ouverte, elle est souciée. Elle est disponible ou pas. Et c'est une rencontre avec cette cette personne, cette foule personne, quoi. Et c'est très beau, enfin moi je trouve, et c'est magique parce qu'il y a aussi ce côté du duende, le duende en espagnol c'est génial, c'est le génie qu'un chanteur de flamenco doit réveiller pour chanter vraiment bien. La flamme, hein, voilà, c'est ça? Voilà, la flamme, le son, le tarab, ça se dit dans telle langue. C'est la sensualité aussi, c'est tout. C'est le diamond en fait, hein, c'est un diamond. C'est le noyau, ce qui bouille. Voilà, ce qui fait que si tu... Alors il dit, par exemple, Lorca, il parlait du duende, il disait qu'une certaine Nina de Spain, qui était merveilleuse, un jour était dans un cabaret et il y avait des aficionados, des gens qui étaient très... qui connaissaient par cœur et tout. Et elle s'est mise à chanter avec son timbre, elle allait en haut, en bas, avec toutes ses notes, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle pouvait faire. Et puis, il y avait un type qui était un petit bonhomme comme ça, qui était un connaisseur, et qui applaudit comme ça, paf, paf, paf, et qui dit « Ah, vive Paris !» comme pour dire. Oh ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Oh, ouais, et alors, elle fumasse, elle prend une verre de cabasse, elle prend d'eau de vie, tu vois. Elle la boit, elle s'assoit, elle chante. Sans voix, sans rien, sans truc, mais avec le duende. Avec la flamme. Avec, voilà. C'est-à-dire que le chanteur, tu as le duende ou tu ne l'as pas. Mais même si tu l'as, il faut qu'il se réveille au moment où tu chantes. Et ça, c'est tellement beau. C'est ça, le spectacle vivant. C'est-à-dire que tu ne sais pas, ça n'est pas garanti que tu vas être merveilleux. Mais si toi, tu l'as, ce truc-là, et que tout à coup, ce jour-là, ça se passe, alors... C'est merveilleux. Tout est possible. Tout est possible. Et le spectacle est déjà gagné, le public est là. Voilà. Mais généralement, ça, c'est ma scène, c'est mon lieu. Je suis complètement... je bafouillote. Mais l'écriture là-dedans, comment, lorsque tu... Parce que t'es aussi romancière, ouais. T'es aussi... Je suis poète aussi. Oui, exactement, poétesse. Donc, j'aime pas poétesse. Je préfère dire poète, ah, même, oui, okay. Même au féminin. Ouais, ouais. Ah. Oui, parce que poétesse, ça fait... pas comment t'expliquer. Ok. Alors, tu es une poète. Je suis une poète. Donc, il y a plusieurs façons de dire les choses, de t'exprimer. Qu'est-ce qui te révolte encore aujourd'hui en 2013? Non, mais alors là, si vraiment on devait faire le calcul de tout ce qui nous révolte aujourd'hui, ce serait... Mais est-ce qu'il y a encore un circuit qui, à l'époque, dans les années 80, te dérangeait, puis encore aujourd'hui, ça ne s'est pas ça a rien modifié? Non, mais je trouve que de toute façon... Ce qui s'est passé, et mon premier livre était sur un livre sur New York, un livre de haine, amour. Et à l'époque, j'ai détesté parce que je trouvais que c'était un endroit où on utilisait le mot argent toutes les deux minutes à chaque coin de phrase, qu'il y avait une espèce d'irrespect, de violence, de sans merci, un monde sans merci. Prise 5. Les cons sont les très proches parents des caves. Si ce n'est que les caves ont la tête un peu plus concave. Un peu plus con que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, il n'y a rien à faire avec eux autres. Lui, son con, moi, c'est le faux. Allez donc blâmer leurs enfants. Les cons sont de la confiture de cave. D'ailleurs, les caves sont aussi cons que les cons sont caves. Les cons sont convaincus qu'ils sont pas caves. Pourtant, les cons pas moins grave, les caves sont cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y a rien à faire avec eux autres. Lui, son con, moi, c'est le con. Allez donc blâmer leurs enfants.

Et en fait, on est en train tous d'être dans ce monde-là, dans un monde barbare, dans on un monde. Par l'argent. C'est fini, ça nous a tous envahis. Et on est dans un monde de la barbarie, parce que si tu veux l'argent, c'est le monde de la nature, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est-à-dire le contraire de l'humanité, quoi. Et donc cet argent roi, cet argent qui nous persécute, et voilà, ça c'est un sujet d'indignation sans fin. Et quand on dit qu'il y a des guerres, etc., il y a la guerre de la rue, il y a des gens dans la rue. J'ai écrit une chanson là, qui s'appelle « Nuit d'errance ». Et ça revient avec l'émission « Errance rénaldienne ». Voilà, bah, très bien. Et où je parle de ces gens qui sont dans la rue. Et c'est une sorte de chose banale. Un constat. Un constat. Ce sont des victimes de guerre, de la guerre de l'argent, quoi, si tu veux. Ils ont perdu la guerre. Ah ouais. Et donc, ils sont là dehors, ils ont perdu la guerre, ils sont sous notre nez, ils sont en train de mourir. On passe devant, ça devient banal. Voilà. Et il n'y a pas une solution réelle, quoi. Et on l'accepte. On est dans un moment où on accepte l'inacceptable. Voilà. Donc, je pense que les artistes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent en parler. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent dire non. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui disent non, quoi. Ouais, voilà. Qui lèvent le poing. Et qui disent non. Et il y avait Yankelevitch, un philosophe qui était drôle. Un jour, j'avais entendu une interview de lui qui m'avait enchanté parce que le monsieur, c'était sur France Culture, il dit « Mais professeur, vous dites qu'il faut savoir dire non, mais le oui. » Il dit « Non, il faut savoir dire non. » Mais à l'origine, parce qu'on va pas dire « Sappho », ça vient de la grande poète. L'Antiquité grecque, la poète. La poétesse. Ouais, on pouvait dire poétesse à ce moment-là. Okay, ouais, parce que je suis habitué, moi. Puis Diane Dufresne, en parlant d'argent, elle dit souvent « Dis-moi pas comment tu... dis-moi, il ne faut jamais dire comment tu vas. On veut savoir comment tu vas. » Donc, oui, l'argent, oui. C'est devenu la question. Et c'est ce qui m'avait exaspéré aux États-Unis il y a 30 ans, tu vois. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, ce qu'est le honte. Alors que nous... En France, avant de demander combien tu vaux, on bavarde. Ensuite, par exemple, ce qui m'avait choqué aussi aux États-Unis, c'est que il y a un côté productif. Si tu es dans un café, si tu as fini de boire ta consommation, on te demande qu'est-ce que vous prenez. Ouais, c'est ça, parce que sinon, parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut en placer un autre qui voilà, lui doit consommer. Voilà, ouais. Voilà. Et c'est quand même très fou. Alors qu'ici, quand même, on peut prendre son café pendant 3 heures et on est des glandeurs magnifiques, on est des bavardeurs, des refuseurs de monde. C'est bien. Et moi, on disait à l'époque, alors je disais des choses très banales, « But listen safe, you're kind of a philosopher. » Alors, c'est ça, toi, Sappho t'a tellement inspiré que tu t'es placé presque non pas à sa place, mais tu as voulu prendre son nom pour... faire une carrière. Sappho, c'était un gag au départ. Ok. Entre amis, entre musiciens. J'étais en première année de fac en lettres et j'avais fait des exposés pour me faire bien voir et pas faire grand chose après. J'avais fait un exposé sur l'ennui, sur Rimbaud. Ah, c'est bien ça. Et j'avais eu plein d'amis garçons qui me reprochaient de faire fuir les filles. Alors j'en draguais pour eux, mais ça marchait pas du tout. Mm-hmm. Mais ils m'appelaient Sappho, comme la poétesse grecque. Et j'ai trouvé ce nom tellement beau et puis comme je voulais écrire secrètement, je l'ai gardé. Après, j'ai eu des problèmes avec. Bon, bref, je te passe les... problèmes de quoi? C'est-à-dire que... Les droits d'auteur? Non, pas du tout, pas du tout. Il y avait des femmes qui se méprenaient, alors ça faisait du malentendu, mais bon, c'est pas méchant. Aujourd'hui, c'est rentré maintenant, c'est ça n'a aucune importance. Mais donc, voilà, je l'ai gardé, puis je regrette pas, parce que j'ai lu des choses sur Sappho qui disaient des choses très belles, comme « Il faut tout oser, puisque... » Il y avait des fragments, vous savez. 3 points de suspension. Voilà, parce qu'on a détruit son travail. Mmh. Et ce point de suspension est tellement... Ça a donné une ouverture. Magnifique, voilà. On sait pas où on va aller, mais puisque... Allons-y. Il faut tout oser. Oui. Voilà, et c'est une des choses... À part dire non, oser, c'est ça qui... aussi une aventure de humaine. C'est ta vie artistique depuis ce temps-là. Voilà. Tu oses dans tout. Voilà. Tu oses dans la musique, dans la littérature, dans la danse. Dans les arts plastiques, une expo. Ouais. Mais comment tu es venu à changer de médium et de façon de t'exprimer? Est-ce que tu as voulu faire des formations? Au contraire, tu l'as appris sur le tas? Ou c'est en rencontrant des gens qui t'ont montré comment... Bon, la littérature, ça fait partie de ma vie, ça a toujours été. L'écriture, l'écriture, c'était, c'était là. Mais disons que pour le reste, Bon, je suis née dans un pays, à Marrakech, où on parlait des tas de... J'entendais des tas de langues. Il y avait de l'anglais, des touristes, l'espagnol du nord du Maroc, l'arabe, le berbère, le français, etc. Et tous ces sons et toutes ces choses... Donc, et puis ensuite, il y avait des diverses religions, juives, arabes, machin, et ils habitaient ensemble. Et je me disais... Donc, ils vivaient ensemble, mais ils ne se croisaient pas toujours. Mais les enfants, eux, se croisaient. Les enfants sont tout bas là-dessus, ouais. Voilà. Et je me disais... Je faisais tout le temps traduction entre ces mondes. J'avais le sentiment qu'il fallait traduire tout le temps. J'avais envie de ne me priver d'aucun de ces mondes et en même temps de les faire se voilà. Aligné, j'avais besoin de ça. Parce que je détestais l'ostracisme, etc. Et... À force d'être comme ça, pluriculturel, mais intérieurement, donc aussi polyglotte, je pense que cette polyglossie, elle s'est aussi traduite dans les arts. C'est-à-dire que j'avais envie de passer d'un langage artistique à un autre, et c'était pour moi une gymnastique facile. Aussi parce que j'avais affaire à des maisons de disques, donc l'argent, et qui étaient très contraignantes, du genre « non, tu vas faire ceci ou cela ». Et quand je sentais que je ne pouvais pas faire parce que ça coûtait l'argent mon disque, je pouvais écrire, je pouvais faire autre chose, quoi. Et ça, je pouvais rebondir. Et c'était le seul moyen. Par exemple, et la peinture est venue très tard. J'avais le sentiment de n'avoir que des oreilles. Okay. Tu vois, ouais, entendre les phrases, la chanson, la musique. Et ne pas avoir mes yeux. Okay. Et j'ai rencontré un peintre, je me souviens, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit « Tiens, regarde ça. » Et il m'a fait renouer avec le dessin que j'aimais beaucoup quand j'avais 14 ans. Et voilà, ce sont des choses très marrantes. C'est toujours des rencontres aussi. Mais à quel moment tu peux arriver à créer, puisque tu es toujours dans la musique, dans le théâtre, dans la littérature? À quel moment tu choisis? Tu dis aujourd'hui, je m'en vais dans la peinture, je m'en vais dans la musique. Et... Alors, avant, je me souviens, j'étais très organisée. Ouais, okay, aujourd'hui, c'est un peu belle-mêle. À une époque, je prenais mes 2 mois d'été et je disais aux gens, je ne veux rien faire en été. Et je pouvais, j'avais les moyens de le faire. Maintenant, malheureusement, on a beaucoup moins de travail. Et donc, on est obligé de faire... C'est quand même de ton côté. Ah oui, je n'arrête pas. Mais je n'arrête pas à ce prix-là. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse... Plus pour en avoir moins dans ton portefeuille. Ouais. Exactement, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. Alors, j'écris dans les trains, j'écris n'importe où. Et puis aussi, par exemple, quand je... En fait, je fais de la peinture quand, par exemple, je ne peux plus avoir de concert parce que, justement, c'est bloqué, etc. Alors, je me dis, bon, allez, hop. Je fais ça parce que je ne peux pas m'arrêter. J'ai un infini besoin de produire, de raconter. Tu as tellement de choses à dire, tu as tellement de choses à dénoncer. C'est pas une question de dénoncer parce que je ne fais pas que dénoncer. Parce que, au contraire, non, je peux être. À dire. Je peux, au contraire, aussi dans la beauté, dans un désir de sublimation. C'est-à-dire que. Et tu veux être compris autant par celui qui n'écoutera jamais de musique à travers la peinture, autant que celui qui jamais regardera la peinture à travers la littérature. Et c'est pas un projet, si tu veux, c'est pas quelque chose que je raisonne comme tu viens de le faire. C'est du cartésianisme, moi, malheureusement. Mais c'est normal, je pense, que ça devienne comme ça, tu l'expliques. Mais non, ça vient parce que, encore une fois, j'ai cette énergie qui a besoin de se s'exprimer. Et que si je ne peux pas l'exprimer à cause, encore une fois, de problèmes matériels, hein, tu vois, bêtement, je passe à un autre média où c'est plus facile, où il suffit de le faire, si tu veux, tu vois. Y a la musique, par exemple, maintenant, c'est devenu plus facile. Maintenant, tu peux n'importe qui, un home studio, tu peux te débrouiller, tu peux le faire, tu vois. Un studio maison, c'est vraiment... Voilà, c'est génial. Et j'ai des tas de copains qui ont ça et qui, tu vois, qui peuvent... Et ça, pour ça, c'est... Donc, c'est une... Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi donc cette ouverture vers des mondes aussi, comme par exemple pour le théâtre, c'était très bien. Moi, revenir au théâtre par le biais de la musique, c'est drôle. À la rentrée, tu parles. À la rentrée, je fais... Mais c'est pas n'importe qui a mis l'avance. Mais Denis a frappé à ta porte. Est-ce que c'est lui qui t'a proposé? C'est pas lui. Okay. C'est sa femme qui est la metteur en scène, qui s'appelle Razer Calavant. Ils avaient besoin pour... Un Othello, ils faisaient un Othello un peu différent. Surréaliste? Alors non, c'est pas ça. Okay. Et c'est l'idée que j'ai vraiment aimée, justement, c'était qu'il voulait restaurer à Othello son imaginaire mort. Le mort de Venise, de mort, en Venise. Et mort, normalement, c'est traduit jusqu'ici par les anglo-saxons, comme un black, ou alors même du cirage sur un mec. Oui, et en fait, Maure, c'est nord-africain. C'est Maure, c'est Mauritanie, c'est nord-africain. Et donc, ils ont utilisé l'arabe. Et donc, il y a une musique arabisante avec... Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Et puis ensuite, il y a ça, il y a le côté arabisant, mais il y a aussi des sons plus contemporains, etc. Il y a Excellent, aussi... Ouais. Voilà, il y a aussi... non, mais même contemporain, même, okay, tu vois. Okay. Et il y a aussi des sons anglo-saxons, parce qu'on a mis en musique The Willow Song, qui est dans Shakespeare, qui a été mis en musique par Verdi, par des tas de gens. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on l'a mis en musique. nous, on l'a mis en musique aussi. Oh, oui. Et donc, il y a à la fois de l'anglais, de l'arabe, et c'est une belle expérience que j'ai faite avec Mehdi Adam. Un rappeur ? Non, alors Mehdi, alors non. Mehdi Adam, c'est... Attends, tu vas voir, tu vas comprendre. Mehdi Adam, lui, il travaille avec Rodolphe Burger, il fait du lutte arabe. Okay. Tu oh, sais, okay, c'est un okay, joueur okay. de lutte. Oh, oh, oh, oh, oh. Voilà. Et alors, celui qui fait Othello, c'est This is La Peste. Ah, voilà. C'est, okay, voilà. Voilà. Et, mais ça c'est pas mon idée, c'est l'idée de Razerka, de la metteur en scène, qui a demandé à ce rappeur de faire Othello, et c'est vachement intéressant. Mais bon, alors, Denis, il est Iago. Un Iago génial. Vous l'avez déjà préparé, on l'a joué, on l'a déjà joué à Nîmes, on l'a joué. Alors c'est totalement éclaté. Ah ouais. Et c'est pour ça que tu aimes ça, parce que c'est d'avant-garde, toi, c'est une fille d'avant-garde. Ah ben, j'aime beaucoup parce que j'ai une aventure, parce que voilà, il y a de la danse, il y a de tout, quoi. Tu vois. Et puis je te dis, l'idée m'a beaucoup plu. Cette idée-là m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était nouveau et que c'était un angle absolument intéressant. Donc alors on le fait en septembre aux Amandiers. Et avec Denis que je révère comme acteur, qui est un grand acteur, un immense acteur. Non, je ne suis pas le docteur Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Hello, Dr. Jekyll. Je vous dis que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Que mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll. Là, ici, maintenant, nous voilà présents. C'était même pas vu comme ça. Je sais. Tout ce qui est pas vu comme ça doit être divulgué autrement. Oh mon Dieu Seigneur, ça c'est... Chapitre 1er, Rénal 2e. Oh mon Dieu, le cheval n'a pas gagné. C'était fair play. Fair play, fair play. C'était un fer, oui. Plaisant à voir. Oh mon Dieu, t'as pas fait un anglicisme? Jamais j'oserais. Madame Marois, je ne suis pas un garde-man dans l'anglo-saxon. Je connais les deux solitudes. Dans mon passé, j'ai voulu amener le Québec à son paroxysme. Déjà là, faut connaître la fin des mots. Paroxysme? Comment l'érotisme, vous avez l'histoire, vous connaissez l'histoire de l'érotisme? Moi, je connais l'histoire de Jason James, comment ils vécurent, comment ils sont morts. Voilà, vous voyez le décor. Et bien maintenant, laissons la place à Johnny and Clyde. Johnny? Johnny est un ami qui jouait de la guitare. Johnny Guitar? Oui, après la guerre, il est devenu quadraplégique. Quadraplégique. Plégique. Et la mouche lui est apparue au visage. Oui, il ne pouvait pas la faire décoller. Non, mais non, parce qu'il était... quadraplégique. Oh mon dieu! Donc, dans sa tête, oh, sa belle tête, il pouvait aller plus loin. Plus loin. Pas besoin de pied, pas besoin de main. Plus loin. Dans l'imaginaire, on peut aller beaucoup plus loin. En prison, dans des moments difficiles, on peut envisager quelque chose de mieux. En dehors de tous les sentiers qui nous amènent souvent à la dépression, il y a une solution. Le soleil, l'ouverture vers l'au-delà, et l'au-delà, c'est peut-être aussi ici, dans l'imaginaire. L'au-delà? L'au-delà de l'imaginaire. L'imagie? L'imaginaire. C'est de la magie? C'est de la magie. Et quand il y a de la magie... Il y a des sourires, il y a des éclaircies, il y a des moments magiques, il y a de l'infinie beauté, des étoiles extravagantes et des gens qui passent et qui vous disent « Bonjour, ça va, vous? » « Moi, ça va bien, et vous? »« Ouais, moi, ça va comme vous? »« Ça va comme moi, comme toi, comme nous. » Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». La chanson que vous allez entendre après, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Hein? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Je parle à mon public, là. Je parle à mes auditeurs, je parle à CKRL, à toutes les brebis qui se sont... placé devant la radio. Oh mon dieu. Devant la radio. Mieux vaut se placer devant que derrière. Non, mais derrière, ça, c'est après. Après la fermeture, là, quand on dit « Allez-vous-en, vous êtes plus mes amis. » Ben, comment ça, j'étais ton ami, allô? Non, je suis pas allô, moi, là. Oh non, je suis pas allô. Je suis à quoi? À l'ail. Oh mon dieu. Moi, du spaghetti à l'ail, ça va, mais à l'ail, dans quel sens? L'ail. Ben, l'ail, je suis en haut de l'ail. En mon dos, moi, je suis à l'au-delà. À l'au-delà? Oui! Oh, attends un peu, on va parler à l'au-delà. L'au-delà? Et monsieur, je pensais pas que l'au-delà... Non, mais on s'imagine des affaires dans la vie, mais on va s'arrêter ici, là. Mais bon, l'improvisation, je vais vous le dire rapidement. Ouvrons la place à mon ami Bukowski avec sa phrase extraite de son recueil « Contes et nouvelles ». Mais avant de prendre la phrase de Bukowski, la phrase et les feuilles volent, on s'imagine des voix. Quand vous écoutez la radio, on se dit souvent, on arrête de dire on se dit. Hey, cette personne-là, là, doit avoir les cheveux châtains, les yeux verts, la bouche pulpeuse. Là, elle nous dit « Venez nous rencontrer au centre commercial, les Bois Verts Extra. » Là, tu vas au Bois Verts Extra, tu prends ta limousine ou ton chauffeur privé. « Monsieur le taxi, là, on va aller là-bas. » « Voir qui? » « Voir l'animatrice de radio. » « Oh mon dieu, là, tu te rends là. » Il y a un public. Il y a un kiosque. Il y a un micro. Tu dis, hey, elle va arriver, elle est là. Il y a de la publicité qui joue, là. Vous écoutez, parce que c'est une radio commerciale. Vous écoutez la radio. Blablabla. Là, tu vas arriver, tu dis, hey, mon dieu, c'est pas ce que je m'imaginais. Une Ginette? Mais c'est une Nicole! Mon dieu! C'est pas la même affaire, là. La Ginette, c'est quelque chose. La Nicole, c'est autrement. Pas facile, là. Vous, vous êtes là? Déjà là. Je veux pas vous voir. Ça me dérange pas de vous parler puis de vous entendre, là. On dirait que vous avez une digestion très lente. Est-ce pas... Oui, attendez, est-ce possible? Bon. Vous avez mangé une grenouille? Les pattes... Hey, attendez-vous, là. Avez-vous dégusté, on parlait d'ail, là. Des cuisses de grenouille. C'est bon, hein? Moi, je vous conseille ça avec un verre d'eau froide. Vous trempez, sans tromper, parce que si vous trompez la cuisse, là, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va sauver. Jamais tromper personne, même pas les animaux, même pas les mets. Ils prennent leurs jambes et ils s'évadent. Quand on s'évade, on est recherché par les gens qui nous aiment. Puis si on ne nous aime pas, ben c'est les justiciers masqués, les justiciers démasqués, les jus prépubères. Moi, j'aime ça, les jus prépubères, les pamplemousses, les fruits de la passion. Non, c'est pas prépubère, la passion. Les jus d'orange, orange instantané. Pulpe sans pulpe. Puis je préfère avec les pulpes parce que personne n'aime les pulpes. Moi, je sais pas, moi, les petits moutons, j'aime pas ça. Ben, moi, j'aime ça, mes moutons. Moi. Dans ma vie, j'ai eu plein de moutons. Puis même ce soir, j'ai comme des pulls de moutons. Ben, je vais continuer à faire mon émission. Parce que je suis un vrai, moi. Je suis pas un abandonneur d'illusions. Je fais l'amour comme on fait la passion. Oh mon Dieu, non, mais moi. Non, on n'a juste pas la caméra. On n'a juste pas le micro. On n'a juste rien. On fait rien. On est des ariens. Rien dans la rien. La phrase de Bukowski, c'est « Benford suspendait les corps un par un après les avoir passés dans la laisseuse. » L'essoreuse a été louée par Mme Bibeau. Puis on a dit à Mme Bibeau « Soyez silencieuse dans votre commande. » Dites pas à tout le monde « Hey, c'est pour nos amis, les Stroganoff. » Nous autres, dans le milieu, les Stroganoff, là. Claude Poirier est à notre poursuite depuis 25 ans. On remplit ses boîtes vocales. On lui dit Claude, on n'est plus à Québec, on n'est plus au Québec, on n'est plus dans le monde. On est en haut. Là, il nous appelle. Hé, là, arrêtez mes boîtes vocales, coupez pas mes voix. Claude, on est en haut, plus haut que ça, là. On n'est même pas dans les Rocheuses. Est-ce que tu connais ça, toi, la toundra? Qui? Non, moi, la toutoune, là, je l'ai abandonnée en 74. Non, la toundra. La toundra. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Quand tu réfléchis, t'es comme ça. Oui. La toundra. Là, je dis, mon Dieu, il va mourir, là. J'ai appelé l'ambulance. Je dis, deux ambulances pour M. Poirier. Une pour lui, l'autre pour son micro, parce qu'il ne peut pas se séparer de son micro. Non, mais c'est... La caméra, c'est... Ben, écoute, greffe-le au micro, faites quelque chose, là. Ici, à CKRL, à l'émission Grand Train Canadienne, on a des ensembles audiovisuels. Comment? Audiovisuels. Ça fait peur, ça, là. À une certaine époque, c'était le projecteur qui était... audiovisuel. Audio, qu'est-ce qu'il y a d'audio? Audio, c'était le professeur. Visuel, c'était le projecteur. On présentait des photos. On disait, écoutez, les amis, ça, le pays que vous voyez actuellement, c'est le Québec. Un pays qui deviendra un pays. Mais maintenant, on l'appelle le Québec. Jean-Pierre Vigneault. Non, c'est Jean. C'est Gilles. Gilles Ferland. Gilles Ferland! Ah, moi, là, c'est quoi ta phrase? C'est la machine à essorer les tripes. Ah, mon Dieu! Quand ça essore les tripes, ça sort comme des barbotines. Non, c'est quoi les barbotines? C'est Jean-Pierre, c'est. Les andouillettes! Ah! Donc, c'est un bonheur. Alors là, tu te sens aussi à travers son jeu, à travers le rappeur aussi. Et les danseurs. Non, c'est de toute façon une belle histoire. C'est difficile d'être en groupe, hein. c'est pas toujours facile. Non. Mais c'était passionnant. Et donc, alors ça te sort un peu de ton confort de l'artiste solitaire, dans la dramaturgie, dans la peinture. Exactement. C'est-à-dire que là, tu es au service d'eux, mais c'est vachement... C'était passionnant et on était quand même très indépendants pour la musique. Et je me suis entendu comme un larron en voix avec Mehdi. Mais on a rigolé, on a vu notre home studio justement et on s'est marré. C'est ça, c'est bien le délire, partir dans des sentiers qu'on ne connaît pas. Donc on est surpris nous-mêmes. Si tu veux, on maîtrisait quand même la chose parce que c'était, on a fait de l'électro avec des sons arabes. Donc c'est des choses qu'on connaissait. J'ai mis en musique un poème de Mahmoud Darwish en arabe qui s'appelle L'art d'aimer. Et c'est un poème merveilleux que tu peux trouver chez Actes Sud, dans le lit de l'étrangère. À la fin, ça dit tu prépares ceci, tu prépares cela, et attends-la. Tu fais ceci, tu fais cela, et attends-la. Et au moment de ta mort annoncée, tu la prends dans tes bras et attends-la. Ah, c'est bien. C'est super beau. C'est un très très beau poème. Donc c'est quand même des belles histoires. Voilà. Mais avec les années, est-ce que la flamme reste aussi vive, aussi malheureusement les années font qu'on s'estompe? Écoute, j'ai vu une fois Jeanne Moreau, tu sais, elle m'avait enchantée, dans une interview qu'elle avait faite sur France 2 ou 3 ou aux infos, tu sais. On lui dit, mais vous n'êtes pas lassée après toutes ces années, tout ce que vous avez fait. Et alors elle dit avec la voix... c'est toujours la première fois. C'est vrai. Mais lorsque tu amènes un autre média, soit la peinture, la littérature, tu veux aborder des sujets qui te sont propres ou au contraire, tu veux essayer de te surprendre toi-même dans des sentiers que tu connaissais même pas? Alors, tu vois, par exemple pour la peinture, il y a eu tout un travail que j'ai fait autour des pastels, etc. Un travail très précis, bon. Puis ensuite, j'ai rencontré un jeune homme de 18 ans, de 19 ans, qui était au Beaux-Arts et qui avait une galerie. Il me dit, viens, on va faire... Il m'a embarqué dans son histoire. Et à travers ce jeune mec, je me suis dit, mais oui, il m'a comme donné une petite clé pour faire quelque chose de complètement fou, délirant avec du son, des vidéos, tu vois, carrément. Et partir dans un autre travail, présenter des photos, présenter des huiles. Et on a fait un truc qui s'appelle Nuit et Blanc. En haut, c'est Nuit. Alors, il y a tout un truc autour du thème de la nuit, avec aussi du son en rapport à la nuit. Et en bas, c'est blanc. On a tout tapissé de blanc et on a fait des toiles blanches, des collages, etc. Et bon, c'est vrai que... Le fait de s'embarquer avec quelqu'un comme ça, qui est à la fois... Il est génial, ce gamin. C'est un bébé, mais il est génial. Qui est à la fois, tu vois, je veux dire... C'est la fougue de la jeunesse aussi. Oui, et puis tout d'un coup, tu te dis, ben voilà, oui, il a raison. Et moi, ça, alors là, je suis partante à 100%. Toi, les délires, t'es prêt à délirer. Moi, voilà, dès qu'on me si on m'offre un espace de délire, yes. T'es là, ça faut exister. Voilà, voilà. Alors évidemment, c'est pas toujours d'un rapport merveilleux, mais c'est pas grave. Oser. Oui, oui. Au lieu de se taire, oser. Oui, voilà. Mieux vaut se tromper, voilà, que de ne rien faire. Complètement. C'est vrai qui disait ça. Oui, mais complètement. Pourquoi? Parce que ne rien faire, c'est être dans le regret. Je déteste le mot regret. Je déteste l'imparfait du conditionnel. J'aurais dû. Genre. Ben, non, ça, je déteste. Il y a une société qui vit là-dessus sur le genre. Hein, à avoir su. J'ai un ami, je lui dis, je t'interdis l'imparfait du conditionnel. Ben oui. J'aurais pu, j'aurais dû. Exactement. Non, tu le fais. Voici, ou alors tu te tais. Surtout que tu as juste une vie à vivre, donc sois. Mais oui, mais voilà. Dans le présent, quoi. Alors voilà, c'est le présent. Maintenant, c'est difficile. En ce moment, on est dans une période très difficile de crise. Et t'as jamais vu ça, toi, là, depuis que tu as la carrière? Ben, si tu veux, ça s'est toujours à peu près bien passé. Maintenant, je trouve que je me bagarre beaucoup plus. Okay. C'est plus dur. Mmh. Beaucoup plus dur. Mais en même temps, c'est pas gênant. Est-ce que ton nom est réconfortant auprès de... Quand tu vas frapper dans des maisons de disques, dans des maisons d'édition? Non, pas dans les maisons de disques, mais tout ce que je peux dire, c'est du côté des artistes. Je suis extrêmement respectée par les artistes. C'est vrai? J'ai rencontré Buzy vendredi, j'ai dit que j'allais te rencontrer, elle fait dire bonjour. Oui, oui, ben voilà. Vous avez un univers... Voilà. Oui, oui, c'est vrai. En plus, elle a commencé dans la même période. Dans la même période, absolument. Ah, oui. Non, mais si tu veux, en général, du côté même des théâtreux, tu leur demandes... Tu vois, les gens, ils me respectent en tant que qu'artiste. Et donc ça, c'est quand même... C'est bien, reconnaissance. Oh, oui, c'est ça. Tu vois. Après, du côté maison de disques et tout, ils ne résonnent pas comme ça, tu ne peux pas savoir. Ouais, mais aujourd'hui, tu peux faire ça sur Internet. Donc oui. Les maisons de disques sont dans presque oui, c'est vrai que maintenant, passéiste. Tout à fait. Maintenant, à la limite, on s'en fout, quoi. On fait nos trucs. Moi, j'ai produit ça avec une maison de distribution. Voilà. Et ça sonne quand même très bien parce et ça sonne. Aujourd'hui avec nos... Mais toi, quand tu fais... Mais j'ai mixé chez Davou, hein. J'ai mixé Ah oui, c'est ça. Là. Alors tu trouves les meilleures maisons. Ouais, oui, attention, je fais mes trucs en home studio, toute la créa, et après le mixage, tout ça, dans une maison sérieuse. Quand tu écris tes chansons, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou si tu as déjà une idée de ce que tu vas parler? Non, alors il y a plusieurs choses, mais non, c'est plutôt des mots. Ça vient en... Souvent, en marchant quelquefois, dans le rythme de la marche, il vient des mots qui ont une musique interne et qui est... Dans les errances. Tu erres et... Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je sais reconnaître à peu près si c'est une chanson ou un poème. Et c'est très différent pour moi. Ce sont deux mondes différents, tu vois. Les chansons, c'est une espèce de chose de fétiche, tu vois, comme d'objets fétiches, des mots fétiches qui sonnent pour être une chanson, tu vois. Voilà, et qui sont, accessibles ou pas, on s'en fout. Parce que, tu vois, Bachung, il faisait des trucs, on comprenait pas tout, hein. Mais ça ne fait rien, c'était des objets sonores. Exactement. C'est un objet sonore, tu vois. Alors, la poésie aussi, c'est un objet sonore, mais la poésie, c'est plus une aventure de l'écriture. C'est plus... Tu fracasses le langage pour le faire parler quand même, tu vois. C'est Roland Barthes qui avait cette vision-là. Voilà. Mais c'est comme ça, la poésie. C'est un endroit où tu produis ta contrainte, alors que la chanson, il y a une contrainte. Mmh. La contrainte, c'est couplet-refrain, etc. Exact. Et puis, mais aussi, j'ai fait quelque chose qui est vraiment à la frontière. Alors, ce disque-là, Un velours sous la terre, qui est d'ailleurs un clin d'œil à Velvet Underground. Oh yeah, ben oui. Voilà, que j'adore. Oui. Donc, j'ai fait... Ça, c'est 2011, hein? Oui, voilà. Okay. Mais c'est le dernier que j'ai fait. Mm-hmm. Et c'est un album concept qui se fait chanter, parler, chanter sur de la musique classique. D'habitude, j'écris toute ma musique, mais Chopin, Bach, Mozart, etc. Et parler sur de l'électro. Voilà. Et alors, ce qui est parlé sur de l'électro, c'est à la frontière de la poésie, mais c'est pas de la poésie. Ça épouse, mais sans vraiment l'air. C'est flirt, c'est tout. Ça s'appelle du talk-over, je dirais. Okay. Et voilà. Mais le reste, c'est des chansons. Mais alors, j'ai dû, tu vois, travailler c'est les partitions hein, de la musique classique. Mais j'ai fait des découpages. Mais c'est la partition exacte. Et j'ai fait donc des chansons avec ça. Tu as tricoté autour de ça. Autour de ça, voilà. Donc, on passe du parler au chanter, tu verras. Mais es-tu une artiste Et il y a un côté, il y a quand même une influence orientale, bien sûr, mais légère, très légère. Ça, c'était les années 86-87. Hein. Il y avait beaucoup de musique qui touchait à l'Orient. Mais tout le temps, ça continue. Oui. Hein, ça continue. Et tu avais aussi des délires lyriques. Hein. Tu chantais. Moi, je t'ai fait un spectacle trois fois. Tu pars dans des horizons. Oui. On est là. Puis on peut pas être autrement qu'admiratif devant autant de... Autant de tu te donnes. Ouais, oui, c'est vrai que. Ben, je pense qu'un artiste doit être généreux et quand les gens entendent ça et qu'ils voient qu'on triche pas, qu'on y va, ben c'est irrésistible. Il y a une tendresse énorme qui se passe, tu vois, qui circule dans la salle avec le. C'est beau d'ailleurs. Et l'intérêt de tes concerts, ouais, c'est que tu peux après ça t'en aller dans la danse, t'en aller dans l'art théâtral. Donc on peut. On assiste à... C'est un spectacle. Oui, exactement. C'est un spectacle. Exactement. Ben oui. Exactement. Surprenant. Voilà, c'est-à-dire que moi, je me disais, quand j'ai commencé à faire de la musique, d'ailleurs, souvent, je me souviens, les musiciens se comportaient un peu comme des jazzmen, c'est-à-dire qu'ils étaient en jean, ou alors avec des pantalons en cuir, quand ils étaient rockers au maximum, et ils bougeaient pas d'un cil, etc. Et moi, je me disais, non, j'ai envie de faire quelque chose... De bouger. Que ce soit dramatique... Et c'est très amusant parce que du coup, il m'arrivait même de faire des trucs comme des reprises de Ferré, par exemple. Mmh, oui. Et j'avais chanté dans un festival de poésie. Voilà. Mmh. J'avais chanté dans un festival de poésie, ce truc-là. Et il y avait des poètes de toute la Méditerranée, tu vois. Alors, il y avait des Arabes, notamment, qui disaient « we loved it, it was great ». Je dis « mais you didn't understand, but it was dramaturgy of it ». Et alors, le type qui me disait ça, il avait un dentier qui s'échappait de sa bouche, et puis il a armé. Et puis, moi, j'étais avec mon frère, hors de rire. Et il avait trouvé ça génial, et dans son enthousiasme, perdu son dentier. C'était excellent. Donc, et il avait adoré, parce qu'il se passait quelque chose, parce que, voilà, quand on joue dans le monde entier, justement, et quelle que soit la langue, en fait, si le chanteur ou l'artiste, le performer, il est dedans, les gens s'en foutent. Ils entendent quelque chose qui est au-delà du sens, même. Même si nous, on est très attachés au sens, parce qu'on aime la langue et tout ça. Mais eux, il y a ça aussi qui passe, quoi. C'est beau. Et ce qui n'existerait pas sans la langue, c'est très important. Exactement. Parce que s'il n'y avait pas le support de la langue et des mots, il n'y aurait pas l'énergie qui est dite là. Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, papayou, papayou, papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grands, faut pas le montrer du tout. Un jour l'institutrice me dit, mec, t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papayou il grandit lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papayou, papayou, papayou, papayou lélé. C'est le plus beau des papayou lélé que j'ai vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grands, plein de badauds qui n'ont rien vu de si beau, qui dirait partout c'est un drôle de joujou, faut pas le montrer du tout. Un jour à Colin-Maillard, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, papayou, papayou, papayou lélé.

très blond, petit serpent, tiré bas, parallèle. Ma vue est infidèle, mon regard ment. Quand il s'en prend à l'objet que je croise, la route est noire, la nuit est lourde. Nous roulons vers la Mayenne, au moins 120 de moyenne. Je sais, c'est facile, mais irrésistible. J'écris dans la nuit, des pieds irréguliers. Radio Latina fait hurler les HP. Les sambas roulés cuivrés. Mais... La mélancolie arrose la rumeur et la dépose. Le ventre de la route est lisse et mon cœur inapaisé. Il est vrai que quand il souffre, et qu'est-ce qu'il souffre, ça me traverse et je verse gorge nouée dans la mélo-calamité. Il est vrai que s'il a mal à Chartres ou Châteaudun, à Illier ou à Combray, tiens, ça me ramène à certaines madeleines. Il est vrai que lui, au petit malheur, moi, à la question, que peut-on faire pour l'autre ? Rien. Une caresse. Un silence autour du cou effleure l'oreille, dire « Je suis là » sans dire, esquisser un sourire. La route est noire. La route est noire. Voilà Saint-Marc du désert, le bien nommé. Mont-Saint-Jean. Et comment ne pas perdre la tête ? Je la dodelinerai, vieille, comme une feuille morte sur sa tige. Mince alors, moi aussi je vais être morte. Quel scandale, non ? Mais comment ? Mais où donc ? Noir au fond des mots. Que revienne la lune de la Mayenne. Il est vrai que l'autre au malheur, moi à la question, que peut-on faire de sa colère ? Que peut-on faire pour l'autre ? J'aime travailler. Il y a des moments où tu es coincé, tu peux pas travailler parce que tu n'as pas les moyens. Parce que là, ça rend fou. Mais, mais es-tu une fille qui est nostalgique ? Tu veux dire. De ta période 80-90. Non, pas du tout. Au contraire, tu es. Ah non. Tu défriches encore. Non. Moi, j'aime pas la nostalgie. Je veux dire, je trouve. Quelquefois, je déteste m'écouter, par exemple. Je déteste écouter mes disques. Les anciens ou les... Les récents, je les écoute énormément. Je les ai écoutés énormément pendant le travail. Maintenant, j'aime pas trop. Si pendant 6 mois, j'ai rien entendu que j'ai réécouté, je me dis, tiens, mais c'est pas si mal que ça. Parce que sinon, j'ai écouté tout ce qui ne va pas. J'ai écouté, ça m'a énervé. Les trucs, ou je sais pas quoi. Ce truc-là, à ce moment-là, j'aurais pu. Non. Et donc, voilà. Mais Non, j'aime bien m'aventurer, quoi. Donc, si tu veux, et c'est l'audace qui te plaît là-dedans. À la fois. La création, c'est l'audace. Alors, il y a l'audace, mais si tu veux, comme tu le sais aussi, c'est quand même soi qui fait. Alors, sûrement qu'il y a quelque chose où on va revenir. On revient, mais le revenir, quand on revient, ce n'est jamais la même chose. Non. Heureusement, peut-être. Voilà. Le retour, il est comme un escalier en colimaçon. Tu vois, c'est-à-dire que tu montes. Et donc, tu fais un tour sur toi, mais tu montes d'un étage. Donc, il y a toutes ces traces, ces trames en dessous. Et tout ça est intéressant. Et donc, il y a toujours une aventure, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, tu ne vivrais pas, tu serais mort. Ah oui, oui. Et la création, c'est à l'encontre de la mort, c'est transcender la mort. Voilà, c'est parce que la vie éternelle, parce que lorsque tu fais quelque chose, tout restera. Ou sauf pas. La personne qui l'a créé ou pas, sauf la personne qui l'a créé. Oui, voilà, et ça c'est beau aussi. Ça me fait, je pense, quand tu viens de me dire, tu parles de ça, je pense à mes amis. Je pense à Georges Boustaki qui vient de mourir. Ouais. C'était un ami. C'était un ami. Ah ouais. Et ça me. Ça te chagrine. Ça me peine. Bachung aussi était un ami. C'est la souffrance aussi qui est. Eh bien, là, j'ai quand même de la peine et. Et Barbara, que je connaissais un peu, mais pas, c'était pas une amie, mais je la connaissais. Mais Alain Bachung, tu connaissais très bien. Alain Bachung, je connaissais. On avait commencé dans les mêmes studios. Oui. En 92, ouais. Etc. Les musiciens aussi, t'avais pris ces musiciens. Ouais, il y avait des musiciens. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement touchant, mais très timide, très retenu et très exigeant. Et il m'avait dit, toi aussi, toi, t'as jamais trahi. Genre, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit, t'as fait toujours ton petit bonhomme de chemin. J'ai dit, ouais. Est-ce que tu l'as revu après plusieurs années? Je l'ai revu une fois, parce que j'ai revu même plusieurs fois. Oh, ben, une fois, on avait fait un disque ensemble de poésie. On avait lu une anthologie de la poésie française ensemble. Voilà, et puis, je ne sais plus, on se croisait quand même, hein, tu vois, donc... mais au début, on était dans les mêmes bars, etc. Au début, il était assez un peu alcoolique, alors il était trop, trop mignon quand il avait beaucoup, beaucoup bu. Il n'était pas du tout agressif. Il devenait comme un petit tas de linge, tu vois, à laver dans un coin de la pièce, et il fallait le transporter. Mais il était trop mignon, c'était un amour de mec, quoi, c'était vraiment... une crème, mais très exigeant, et je trouve très, très beau ce qu'il a fait, ses choix. C'était des choix de danger. Il aimait se mettre en danger. Toi aussi, d'ailleurs, ouais. T'as un côté bachounier. Oui, je crois que tous les artistes, pour moi, pour moi, un vrai artiste, il prend des risques, sinon il est déjà mort. Oui. Il prend pas de risque, oui. Qui est dans le conformisme, qui est dans la répétition. Ou bien dans un filon, tu sais qu'il est en train... On s'en fout, quoi. Voilà. Mais tu te vois comme... parce que moi, quand je parle de toi à la radio, je dis souvent que t'es underground, que t'es marginal. Et c'est avant tout, je crois, fondamentalement volontaire de ta part. Alors écoute, ce n'est ni volontaire ni pas. Moi, je serais ravi de ne pas être marginal, parce que voilà, ça me permettrait de... Ce serait plus facile, si tu veux. Oui, okay. C'est toujours au niveau monétaire. Voilà. Ce serait plus facile, parce que j'aurais plus de... Tu vois. Mais je ne suis pas capable d'accepter de faire quelque chose qui ne me convient pas. Je ne suis pas capable. C'est ça, alors tu es intègre envers toi-même. Je ne peux pas, c'est même pas, j'ai aucun mérite, je ne serais pas capable. Ça m'insupporterait, j'en ferai une maladie, donc c'est pas la peine. À une certaine époque, tu l'as souvent au Québec, depuis quelques années, on entend plus ça faux. Ben, ils ne m'ont pas invité, qu'est-ce que je te dis. Mais ça fait combien de temps? Ça fait des années. 20 ans. 20 ans, ouais. Au moins facilement 20 ans. Ouais. Mais quand même, on peut te lire. J'ai lu un de tes romans, non, de tes poésies. Oui. De poésie que tu avais sorti en 2000, quelque, ça se peut? C'était quoi? Tu sais plus. Mais oui, on peut tout à fait me lire. Ouais, complètement. Puis t'écouter même avec Internet. Mais en plus, si tu veux, aussi au Québec, j'aurais envie, et je pense que ça sera jouable. D'être invité comme poète. Oui. Parce que là, ils invitent assez facilement des poètes. Facilement. Il faudrait que je joigne des gens. Dans le cadre du Salon du Livre aussi. Oui, voilà. On demande des artistes. Mais ce serait vraiment bien. Oui, vas-y. Fais quelque chose pour moi. Oui, je travaille très fort. Dis-le. Juste le fait d'être assez correct et que en 86, tu as fait, on appelle ça une ID, c'est-à-dire une identification de station en disant vous écoutez CKRL et on la diffuse pendant les radiotons. Donc on n'oublie pas les gens qui sont venus. Bachon a fait la même affaire. Charlie-Lee Couture, je trouve que tu as un lien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Charlie-Lee, il est sur plusieurs registres. Il en avait tellement ras-le-bol de Paris qu'il est parti à New York. Mais oui. Mais en même temps, écoute, je ne sais pas ce qu'il a, s'il a réussi à New York, je ne sais pas. Oui, très bien. Parce que New York, c'est une fou. Drôle de ville. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes comme lui. Moi, si tu veux, le problème, c'est que j'étais très attachée à ma langue, à la langue française, parce que ma langue d'expression. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas pu sacrifier ça, parce que j'ai failli y rester. Et la Columbia Records m'avait dit... Yeah, would you like to have etc. But you should translate absolutely everything. Alors je dis oui, mais il faut que ce soit un poète. Alors on me dit petit chauviniste. Ils m'ont dit. Heureusement qu'il y a des. Je leur ai dit, mais moi ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé tellement chauviniste. Oui, c'est ça. Chauvin, pardon. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu es accroché à la langue française comme les Québécois sont accrochés à la langue française. Oui, oui. Parce que je suis francophone, comme vous. C'est-à-dire que je suis née au Maroc dans un pays qui était francophone. Pourquoi tu as joué à un moment donné, c'est ça qui m'a tellement plu et j'ai voulu te rencontrer depuis plusieurs années. Pourquoi tu as joué avec le... Le Québec? Oui. Alors parce qu'à un moment donné... Oui, ça c'est intéressant. Là. Alors, je veux te dire, c'est drôle. Okay. Dans ma vie, tout est parti de gags foireux et tout. Parce que j'ai toujours fait des choses folles et des gags m'ont entraîné dans des choses absolument... Des délires. Voilà. En fait, j'avais fait ce qui s'est passé, c'est que j'adorais Gilles Vigneault qui me faisait. J'adorais Gilles Vigneault, je trouvais génial. Il fait des tournées encore quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais comédienne. Hein. Mm-hmm. Donc je les suivais partout et tout. Et j'adorais imiter l'accent. Il me l'enseignait, il me disait répète après moi. Moi, on dit Tassine, c'est moi le caraliste de tabarnak. Alors il disait tu l'as. Toi, tu connais-tu la parole populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des chambres pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international, moi, ce que je parle, c'est le cheval. C'est beau le cheval, c'est sa coche, c'est beau le cheval. Astique sa torche, c'est beau le cheval. C'est malade mental, fuck ceux-là qui disent mon palmarès. C'est beau le choix, faut qu'il y ait dans ta tête. C'est beau le choix, c'est l'un des deux. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. Le choix, c'est un diamant en plywood, cassé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude, des côtes de la langue française. Le choix, c'est des sacs en masse, avec des mots anglais juste à bonne place comme. Hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs. C'est beau le cheval, ça garoche. C'est beau le cheval, ça clenche en masse. C'est beau le cheval, ça fesse dans le dash. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le cheval, go west, go away. C'est beau le cheval, si tu veux la guerre. C'est beau le cheval, tu vas la way. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. De l'eau claire. Tu buvais la lumière gorgée comme un fruit mûr. Tu jouissais de l'eau claire. Dans le soleil vibrant, cœur fou, une pensée folle, mon corps qui meurt. Cet été railleur, ta bouche maladonne, je l'ai bu liqueur. Qu'elle m'abandonne, qu'elle m'abandonne, peut-être le voulais-je. L'insolence de l'été me tue qu'il neige. Au bord de la piscine, tu ris. Tu fais des mines, je serre les paupières. Au bord de la piscine, je suis comme une pierre, comme un fardeau qui pèse. Qu'il m'abandonne. L'insolence de l'été me tue qu'il neige. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.